Marc Hemdan, d'après Archives carmelisieux.fr, licence Creative Commons pas d'usage commercial. Jésus, mon bien-aimé, rappelle-toi, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Carmel de Lisieux, PN 24, datation, 21 octobre 1895, sur l'air de, rappelle-toi, destinataire, Céline, sœur Geneviève, à sa demande. Bien que respectant la demande de Céline, Thérèse en inverse l'objectif, ce n'est pas à Jésus de se rappeler les sacrifices de Céline, mais à Céline de se souvenir de l'œuvre de Jésus. Ma fille, recherche celle de mes paroles qui respirent le plus d'amour, écris-les, et puis les gardant précieusement comme des reliques, et soin de les relire souvent. Quand un ami veut réveiller au cœur de son ami la vivacité première de son affection, il lui dit « Souviens-toi de ce que tu éprouvais, quand tu me dis un jour telle parole, ou bien, te rappelles-tu de tes sentiments à telle époque, à tel jour, en un tel lieu ?» Crois-le donc, les plus précieuses reliques de moi sur la terre sont les paroles de mon amour, les paroles sorties de mon trait du cœur, paroles de notre Seigneur à Sainte Gertrude. Rappelle-toi de la gloire du Père, rappelle-toi des divines splendeurs, que tu quittas t'exilant sur la terre, pour racheter tous les pauvres pécheurs. Ô Jésus, t'abaissant vers la Vierge Marie, tu vois là ta grandeur, et ta gloire infinie. À du Saint maternel, qui fut ton second ciel, rappelle-toi. Rappelle-toi qu'au jour de ta naissance, quittant le ciel les anges ont chanté, à notre Dieu, gloire, honneur et puissance, et paix au cœur de bonne volonté, depuis 1900 ans tu tiens ta promesse. Seigneur, de tes enfants la paix et la richesse, pour goûter à jamais ton ineffable paix je viens à toi. Je viens à toi, cache-moi dans tes langes, en ton berceau, je veux rester toujours. Là je pourrai chantant avec les anges, te rappeler tes joies des premiers jours. Ô Jésus, souviens-toi des bergers, et des mages qui t'offrirent joyeux leur cœur, et leurs hommages, du cortège innocent, qui te donna son sang rappelle-toi. Rappelle-toi que des bras de Marie, tu préféras à ton trône royal petit enfant, pour soutenir ta vie, tu n'avais rien que le lait virginal. À ce festin d'amour que te donne ta mère, ô daigne m'inviter, Jésus mon petit frère, que ta petite sœur, a fait battre ton cœur rappelle-toi. Rappelle-toi que tu nommas ton père, l'humble Joseph, qui par ordre du ciel sans t'éveiller, sur le sein de ta mère, sut arracher aux fureurs d'un mortel. Verbe Dieu, souviens-toi de ce mystère étrange, tu gardas le silence, et fis parler un ange, de ton lointain exil, sur les rives du Nil, rappelle-toi, rappelle-toi que sur d'autres rivages, les astres d'or, et la lune d'argent que je contemple en l'azur sans nuage, ont réjoui, charmé tes yeux d'enfant, de ta petite main qui caressait Marie, tu soutenais le monde, et lui donnais la vie, et tu pensais à moi, Jésus, mon petit roi rappelle-toi. Rappelle-toi que dans la solitude tu travaillais de tes divines mains. Vivre oublié fut ta plus douce étude. Tu rejetas le savoir des humains, ô toi qui d'un seul mot pouvais charmer le monde, tu te plus à cacher ta sagesse profonde. Tu parus ignorant, ô Seigneur Tout-Puissant. Rappelle-toi, rappelle-toi qu'étranger sur la terre, tu fus errant, toi le Verbe éternel, tu n'avais rien, non, pas même une pierre. Pas un abri, comme l'oiseau du ciel. Ô Jésus, viens en moi, viens reposer ta tête, viens, à te recevoir mon âme est toute prête. Mon bien-aimé Sauveur repose dans mon cœur illustre à toi. Rappelle-toi des divines tendresses, dont tu comblas les plus petits enfants. Je veux aussi recevoir tes caresses. Adonne-moi tes baisers ravissants, pour jouir dans les cieux de ta douce présence, je saurai pratiquer les vertus de l'enfance. N'as-tu pas dit souvent, le ciel est pour l'enfant, rappelle-toi, rappelle-toi qu'au bord de la fontaine, un voyageur fatigué du chemin, fit déborder sur la Samaritaine, les flots d'amour que renfermait son sein. Ah, je connais celui qui demandait à boire, il est le don de Dieu, la source de la gloire, c'est lui, l'eau qui jaillit, c'est lui qui nous a dit, venez à moi, pauvres âmes chargées. Vos lourds fardeaux bientôt s'allégeront, et pour jamais, étant désaltérés, de votre sein des sources jailliront, j'ai soif, ô mon Jésus cette eau je la réclame, De ces torrents divins daigne inonder mon âme pour fixer mon séjour. En l'océan d'amour, je viens à toi. Rappelle-toi qu'enfant de la lumière, souvent j'oublie de bien servir mon roi. Oh, prends pitié de ma grande misère, dans ton amour, Jésus, pardonne-moi. Aux affaires du ciel daigne me rendre habile, montre-moi les secrets cachés dans l'Évangile. Ah, que ce livre d'or est mon plus cher trésor. Rappelle-toi, rappelle-toi que ta divine mère a sur ton cœur un pouvoir merveilleux. Rappelle-toi qu'un jour à sa prière, tu changeas l'eau en vin délicieux. Daigne aussi transformer mes œuvres imparfaites. À la voix de Marie, Seigneur, rends-les parfaites, que je suis ton enfant. Ô Jésus, bien souvent rappelle-toi. Rappelle-toi que souvent les collines tu gravissais au coucher du soleil. Rappelle-toi tes oraisons divines, tes chants d'amour à l'heure du sommeil. Ta prière, ô mon Dieu, je l'offre avec délice pendant mes oraisons, et puis au Saint-Office, là tout près de ton cœur, je chante avec bonheur. Rappelle-toi, rappelle-toi que voyant la campagne, ton divin cœur devançait les moissons. Levant les yeux vers la sainte montagne de tes élus, tu murmurais les noms, afin que ta moisson soit bientôt recueillie. Chaque jour, ô mon Dieu, je m'immole, et je prie, que mes joies et mes pleurs sont pour les moissonneurs. Rappelle-toi, rappelle-toi de la fête des anges, rappelle-toi de l'harmonie des cieux, et de la joie des sublimes phalanges, lorsqu'un pécheur vers toi lève les yeux. Ah, je veux augmenter cette grande allégresse. Jésus, pour les pécheurs, je veux prier sans cesse, que je vins au Carmel, pour peupler ton beau ciel. Rappelle-toi, rappelle-toi de la très douce flamme que tu voulais allumer dans les cœurs. Ce feu du ciel, tu l'as mise en mon âme. Je veux aussi répandre ces ardeurs. Une faible étincelle, au mystère de vie, suffit pour allumer un immense incendie. Que je veux, ô mon Dieu, porter au loin ton feu. Rappelle-toi. Rappelle-toi de ce festin splendide que tu donnas à ton fils repentant. Rappelle-toi que pour l'âme candide tu la nourris toi-même à chaque instant. Jésus, avec amour tu reçois le prodigue. Mais les flots de ton cœur pour moi n'ont pas de digue. Mon bien-aimé, mon roi, que tes biens sont à moi, rappelle-toi. Rappelle-toi que méprisant la gloire en prodiguant tes miracles divins, tu t'écriais, comment pouvez-vous croire, vous qui cherchez l'estime des humains? Les œuvres que je fais vous semblent surprenantes, mes amis en feront de bien plus éclatantes, que tu fus humble, et doux Jésus, mon tendre époux. Rappelle-toi, rappelle-toi qu'en une sainte ivresse l'apôtre vierge approcha de ton cœur. En son repos, il connut ta tendresse, tous tes secrets, il les comprit. Seigneur, de ton disciple aimé je ne suis point jalouse, je connais tes secrets, car je suis ton épouse. Ô mon divin sauveur, je m'endors sur ton cœur, il est à moi. Rappelle-toi qu'au soir de l'agonie avec ton sang se mêlèrent tes pleurs, rosée d'amour, sa valeur infinie, a fait germer de virginales fleurs. Un ange te montrant cette moisson choisie fit renaître la joie sur ta face bénie. Jésus, que tu me vis au milieu de tes lys, rappelle-toi. Rappelle-toi que ta rosée féconde virginisant les corolles des fleurs, les a rendues capables dès ce monde de t'enfanter un grand nombre de cœurs. Je suis vierge, ô Jésus, cependant quel mystère, en m'unissant à toi, des âmes je suis mère des virginales fleurs, qui sauf les pécheurs. Rappelle-toi, rappelle-toi qu'abreuvé de souffrance, un condamné se tournant vers les cieux, s'est écrié, bientôt, dans ma puissance vous me verrez paraître glorieux. Qu'il fût le Fils de Dieu, nul ne voulait le croire, car elle était cachée son ineffable gloire. Ô prince de la paix, moi je t'ai reconnu, je crois en toi. Rappelle-toi que ton divin visage parmi les tiens fut toujours inconnu, mais tu laissas pour moi ta douce image, et tu le sais, je t'ai bien reconnu. Oui, je t'ai reconnu, toute voilée de larmes, face de l'Éternel, je découvre tes charmes. Jésus, de tous les cœurs, qui recueillent tes pleurs, rappelle-toi, rappelle-toi de l'amoureuse plainte qui sur la croix s'échappa de ton cœur. Ah, dans le mien, Jésus, elle est empreinte, et de ta soif je partage l'ardeur. Plus je me sens brûlé de tes divines flammes, plus je suis altéré de te donner des âmes. Que d'une soif d'amour je brûle nuit et jour. Rappelle-toi, rappelle-toi, Jésus, Verbe de vie, que tu m'aimas jusqu'à mourir pour moi. Je veux aussi t'aimer à la folie, je veux aussi vivre et mourir pour toi. Tu le sais, ô mon Dieu, tout ce que je désire c'est de te faire aimer, et d'être un jour martyr. D'amour je veux mourir. Seigneur, de mon désir rappelle-toi. Rappelle-toi qu'au jour de ta victoire tu nous disais, celui qui n'a pas vu le Fils de Dieu, tout rayonnant de gloire, il est heureux, si quand même il a cru dans l'ombre de la foi, je t'aime, et je t'adore. Ô Jésus, pour te voir, j'attends en paix l'aurore. Que mon désir n'est pas de te voir ici-bas, rappelle-toi. Rappelle-toi que montant vers le Père tu ne pouvais nous laisser orphelins, et te faisant prisonnier sur la terre, tu sus voiler tous tes rayons divins, mais l'ombre de ton voile est lumineuse et pure, teint vivant de la foi. Céleste nourriture, ô mystère d'amour, mon pain de chaque jour Jésus, c'est toi, Jésus, c'est toi qui malgré les blasphèmes des ennemis du sacrement d'amour, c'est qui veut montrer combien tu m'aimes, puisqu'en mon cœur tu fixes ton séjour, ô pain de l'exilé, sainte, et divine hostie, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis de ta vie, ton ciboire doré entre tout préféré, Jésus, c'est moi, Jésus, c'est moi. Ton vivant sanctuaire, que les méchants ne peuvent profaner, reste en mon cœur, n'est-il pas un parterre, dont chaque fleur vers toi veut se tourner, mais si tu t'éloignais, au blanc lys des vallées, tu le sais bien, mes fleurs seraient bien vite effeuillées. Toujours, mon bien-aimé Jésus, lys embaumé fleurit en moi, rappelle-toi que je veux sur la terre te consoler de l'oubli des pécheurs. Mon seul amour, exauce ma prière. Ah pour t'aimer, donne-moi 1000 cœurs, mais c'est encore trop peu, Jésus, beauté suprême donne-moi pour t'aimer ton divin cœur lui-même. De mon désir brûlant, Seigneur, à chaque instant, rappelle-toi, rappelle-toi que ta volonté sainte est mon repos, mon unique bonheur. Je m'abandonne, et je m'endors sans crainte, entre tes bras, ô mon divin sauveur. Si tu t'endors aussi lorsque l'orage gronde, je veux rester toujours dans une paix profonde, mais pendant ton sommeil, Jésus, pour le réveil prépare-moi. Rappelle-toi que souvent je soupire. Après le jour du grand événement envoie bientôt l'ange qui doit nous dire, réveillez-vous, il n'y a plus de temps, alors rapidement je franchirai l'espace. Seigneur, tout près de toi, j'irai prendre ma place. Qu'au séjour éternel, tu dois être mon ciel. Rappelle-toi.